どうしてんだ よ。ヤーゴス。 それで JIC じゃみなったと。そのメッシュ。人別にあっちゃってんじゃフェルペンス。ビガマン壊せ。締め空で消えしたりもフェイス。シェプレネスタビーヤピドンパン。シューラーフィーバーメン。ダブルエノザフェ。オーディアンザテンセ。シュジスタンフリカフェ。Y'a plus grand chose à faire. On revient à deux fers. J'ai juste un truc à faire. Les deux pieds sur le bureau, la main sur ton carré. J'suis le feu. Petit bâtard, c'est toi que tu nous blesses et tant qu'elle aide. La paix est longue, la mort est bref. Juste un fait de papier pour qu'on les crève. J'suis ton fer, la balle est dans le glock. J'suis dans tes cauchemars et dans tes rêves. Mais pas des gratteurs en vrai, vos oreilles vont de bolos. J'bois mon verre, y'a Mikos en club, j'ai pris 60 balles par Mikolos. On est pareil pour les porcs, minimum c'est Marvella. Sa mère la favela, j'roue dans le port en Audi Sport. Putain mon frère, j'ai mis la teinte. Trop bonne, elle a pété la vitre. J'vais mon bif, sa mère la teinte. Elle ne venait pas me sucer la bite, mais. Sur les vides du RSI, j'ai mis la teinte. Signé à Chelsea, j'ai fait le bend. Ligament croisé. J'mets sur la béquille et j't'allume en face. J'ai brûlé mes habits, y'a plus d'empreintes. Sur la vie de ma mère, t'as volé nos affaires. On reviendra te faire. J'ai juste un truc à faire. Sur la vie de ma mère, y'a plus grand chose à faire. On reviendra te faire. J'ai juste un truc à faire. Laissez faire la malade, c'est des petits trafiquants. J'parle avec des voyous qui comptent encore les francs. T'es recherché que tu deviens pratiquant. Ce que j'appelle le sang, c'est ce que j'ai sur mes gants. Imbécile, j'ai du sang sur les mains. Moi du rap, j'ai de l'or sur mes chaînes. Le bilan que tu filmes, c'est le mien. Toutes les folles de ton snap sont mes chiennes. Élastique dans la main, je fais les comptes. La quista est balèze, c'est l'argent de la tube. Je la nique, elle me suce dans le bain. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, fais la pute. La décive du bourreau, la moitié de mon gang est au mandat déco. Je vais faire ça peu pro. Envoie ton carré, je leur refais la déco. Elle est mineure, je la nique pas. Je suis un charreau, un espoir. Je t'ai baisé le premier soir. Pas une pute, j'te juge pas. Sur les vides du RSI, j'ai mis la teinte. Méchant, méchant. J'devais signer à Chelsea, j'ai fait le bang. Ligament croisé. J'mets sur la béquille et j't'allume en face. J'ai brûlé mes habits, y'a plus d'empreintes.